Un soir de la fin des années 70, à la télévision française, Bernard Pivot était dans un appartement de Genève, plus précisément dans celui d'Albert Cohen. Albert Cohen l'a reçu en robe de chambre et en pantoufles, aujourd'hui ça n'existe plus. Les écrivains ont plutôt une cigarette entre le majeur et l'annulaire. Ce soir-là, Albert Cohen était donc en pantoufles et en robe de chambre pour parler de littérature. C'est une émission qui a beaucoup marqué. Et là, bon, je ne sais pas si Albert Cohen était en robe de chambre et en pantoufles parce qu'il était sur France Culture et il parlait. Il parlait de quoi? Il parlait des personnages qu'il a inventés. Et je rappelle évidemment qu'Albert Cohen, c'est l'auteur de Belle du Seigneur. Voyez-vous, je crois que je suis un médium. Je rêve mes livres. Et quand vous rêvez, vous voyez certains êtres, n'est-ce pas, dans vos rêves. Vous voyez une vieille dame qui est un peu une fée Carabosse, par exemple. Bon, elle n'existe pas, mais vous la voyez. Et vous croyez qu'elle est réelle. Eh bien, c'est ce qui m'arrive. J'ai vu Mangeclou. Où est-ce que je l'ai pêché? Nulle part. La voix d'Albert Cohen que je tenais à vous faire écouter, Johann Sfar, parce qu'on retrouve Mangeclou et les Valeureux dans vos carnets. À quoi il ressemble, Mangeclou, pour vous? Oui, c'est toute la magie d'Albert Cohen, c'est que il a fait croire qu'il connaissait Céphalonie. En fait, c'était un juif de Corfou qui a grandi à Marseille et qui a imaginé ce qui lui manquait dans les souvenirs familiaux. Et là, moi, j'ai tout appris là parce que l'Algérie de mes grands-parents, j'y ai jamais foutu les pieds. Par contre, je les ai beaucoup entendus en parler et on a besoin de se fabriquer des histoires. Et c'est très juste ce qu'il dit. Il y a une vertu oraculaire dans le récit de fiction parce que quand on est auteur, ça marche pas. Ça marche quand on est lecteur de l'histoire en train de se faire. Et là, on s'aperçoit que les personnages, oui, je veux pas être excessivement platonicien, mais ils viennent d'un autre monde et ils se débrouillent tout seuls souvent. Et quand on a le sentiment que c'est dur à écrire, c'est qu'on n'est pas dans l'état où il faut. Et chez Cohen, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a ce sentiment de naturel, de simplicité et tout ce qui est tout le contraire, parce qu'il mettait 18 ans à écrire un livre et il dictait ses livres et il les redictait à plusieurs reprises pour les polir comme on ferait d'un diamant. Mais à la lecture, il y a une truculence, une fluidité. On est plus avec eux que si c'était le cinéma, puisque au cinéma on observe et là on fait partie. On est dans la cave de chez Mangeclou et Mangeclou nous explique que les romans russes c'est de la connerie parce que dans Guerre et Paix, le pauvre mari c'est difficile pour lui et qu'on devrait bien se mettre à sa place avec ses ennuis intestinaux et tout ça. Vous les rêvez aussi vous, vos personnages ou pas? Oui, et j'ai cette chance de pouvoir les dessiner, ce qui donne une assise et ce qui facilite le travail, parce que dès qu'on a face à soi la bouille d'un personnage, dès qu'on s'est fabriqué ce totem-là, c'est assez facile de l'animer. Animer, c'est lui insuffler l'âme nécessaire pour qu'il soit crédible et pour les gens aient envie de l'utiliser comme véhicule le temps d'un récit. Mais en même temps, vous saisissez de personnages d'une certaine façon qu'on connaît déjà. Par exemple, un vampire, un mousquetaire. Ça, c'est des personnages dont on a déjà une idée en tant que lecteur. Oui, c'est un des rares domaines où je fais pas le malin, c'est que j'aime bien les titres simples et les personnages simples parce que je crois beaucoup aux égrégores, c'est-à-dire aux créatures fantastiques qui se mettent à vivre parce que tout le monde y croit. Il y a ce roman de Jean Rey qui disait que les dieux grecs c'est filoche parce qu'on y croit moins. Je le regrette, si les gens étaient plus polythéistes, ça irait mieux. Mais il y a ça. Il faut prendre un truc qui signifie quelque chose chez les autres, parce que s'imaginer qu'on va inventer soi-même quelque chose que personne n'a jamais vu, c'est juste absurde. Il y a des archétypes. Lovecraft s'était amusé en quelques pages à résumer les divers types d'intrigues terribles qu'on peut avoir dans un récit, et il a raison. Le récit d'horreur, ça tient sur 10 trames différentes, et puis c'est tout. Mais c'est pas plus compliqué quand on doit dessiner un vampire et lui inventer une histoire de se dire bah oui, mais ça existe déjà, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de nouveau avec? Non, moi je crois que ça vient de mes racines universitaires. C'est plutôt où on en est avec les vampires. Alors, Murnau. Alors, où on en est? Ben, je sais pas, mais je me demande. Donc je me dis, moi, qu'est-ce qui m'a marqué avec les vampires? C'était le cinéma de Murnau, dont j'aimais la plastique, mais dont je détestais le message, parce que malgré lui, Murnau était le véhicule de toutes les peurs et toutes les haines de son époque. Et on est en pleine réhabilitation, on essaye d'attraper les créatures qu'on nous a présentées comme des monstres pendant des siècles, je veux dire les Noirs, les Arabes, les Juifs, enfin tout ça, et on essaie de les réhabiliter et de montrer qu'ils sont fréquentables et que c'est pas de la racaille, contrairement à ce que disent certains. Donc j'essaie de rendre attachant des personnages qu'on nous a présentés comme des monstres pendant longtemps. Sans gommer leurs horreurs. C'est-à-dire, je vais pas faire croire que tout le monde ressemble à James Dean. Moi, si un personnage doit être moche avec un nez crochu et des longs ongles, je le fais comme ça. Et puis, on va s'apercevoir que c'est lui qu'on aime le mieux. J'ai plein de Quasimodo dans mes bandes dessinées. Et comment on décide, par exemple, comme dans le cas d'un vampire, et dans le cas de petit vampire précisément, qui est entouré d'une série de monstres, qui par exemple décide d'offrir du caca à la maîtresse le jour de la rentrée de l'école parce qu'il pense que c'est formidable. Comment on décide parmi cette foule de monstres que tel a trois yeux et tel autre aura six mains? Parce qu'on le fait pour soi et qu'on a envie de rigoler. Et Petit Vampire, c'était une façon d'interroger un peu la morbidité enfantine et le rapport inquiet et ludique qu'on a à la mort quand on est petit. C'est-à-dire à la fois on y pense tout le temps et en même temps on en a moins peur que les grands parce qu'on s'en fait une idée bizarre. Et c'était aussi pour soigner mes blessures à moi. Maintenant, je me suis aperçu que la morbidité que je mets dans Petit Vampire et qui moi me fait du bien, elle fait pas forcément du bien aux enfants qui n'ont pas demandé des questions là-dessus. Donc maintenant j'essaye que ça dédramatise le plus possible. Je ne veux pas dire que je me calme en vieillissant, je veux dire qu'en ayant des enfants à moi, je les regarde et je m'aperçois qu'ils n'ont pas les mêmes névroses que les miennes et qu'il serait temps que je fasse des livres qui ne soient pas que pour moi, mais je ne sais pas comment on s'y prend. Buvez une gorgée de thé, on va écouter Il est bon. Vous allez peut-être avoir à vous resservir de votre harmonica, je ne sais pas. D'accord.